une fois reprendre ce stylo, me vider la cervelle et brancher le piano. Et encore une fois, c'est le temps des râteaux. Et moi dans moins d'un mois, encore sur Jamendo. Oui mais j'ai bien compris que cela ne m'apportera rien de ce que je désire. Je méprisais les filles pour faire semblant, mais ça ne sert rien de ce que je désire. Et encore une fois, me livrer publiquement à une poignée de copines qui me diront en ricanant: j'ai écouté les pattes et je viens de Manon. J'ai rigolé toute la nuit, mais les comiques ne sont pas mon type d'homme. Oui mais j'ai bien compris que cela ne m'apportera rien de ce que je désire. Je mépriserai les filles pour faire semblant, mais ça ne sera rien de ce que je désire. J'ai écouté Kebab Machine et le ciel pète avec son cul. Est-ce que tu peux me les rejouer? Moi, le gros ours abattu. Oui, mais j'ai bien compris que cela ne m'apportera rien de ce que je désire. Je mépriserai les filles pour faire semblant, mais ça ne sera rien de ce que je désire. Oui mais j'ai bien compris que cela ne m'apportera rien de ce que je désire. Je mépriserai les filles.